Tu n'es pas là. J'ai mal à la tête. Le temps s'écoule sans me dire. Je ne sais pas ce que tu fais. Je croise les bras. Je croise des gens à la peine. Je n'aime pas ça. Je croise les doigts pour qu'il ne te vienne jamais l'idée quand tu n'es pas là. J'ai mal à la tête. Le temps s'écoule sans me dire. Je croise les doigts que jamais ne t'effleure l'idée. Je n'aimerais pas ça. J'ai mal aux cheveux. J'ai mal. cheveux.